1. J'ai tapissé les murs en verre. 2. Je souhaitais une chambre claire. 3. J'ai posé le parquet. 4. J'ai commencé par une pièce. 5. Je conservais la même couleur. 6. J'ai acheté ma maison. 7. J'installais des placards. 8. Je transformais cette pièce.